Tout ton cœur, reçois-le de tout ton cœur, reçois-le de tout ton cœur, reçois-le de tout ton cœur. Je le reçois, je le reçois, avec bonheur, je le reçois, avec bonheur, je le reçois, avec bonheur, je le reçois, avec bonheur, mon tépélé. La mort est ma, la mort est perdue, la mort est ma, la mort est perdue, la mort est ma, la mort est perdue, la mort est ma. Daina ingiye, ona motema, daina ingiye, na motema, na ingiye, na motema, na ingiye, na motema, na toniye. Père céleste, Dieu de miséricorde, Père de gloire, Père de lumière, Dieu bon, suprême incomparable. Notre consolation. La puissance pour les faibles. La guérison pour le malade. Le salut pour les perdus. Le pardon pour le coupable. La rédemption pour les perdus. Les désespérés. En toi, il y a tout, Seigneur. Elohim, c'est toi. Tu te suffis par toi-même. Tu existes par toi-même. Auprès de toi, nous avons solution à tous problèmes. Nous trouvons satisfaction à tous les besoins. Que ton nom soit élevé dans les cieux. Et viens remplir nos cœurs. Viens inonder nos cœurs. Viens inonder nos âmes. De la portion céleste. De la portion qui satisfait pleinement. L'esprit de vérité. La puissance de l'eau. Nous en avons besoin. Car ici-bas, tout est désespéré. Avoir de près, le monde va éclater bientôt. Plus rien ne tient debout. Toutes les promesses sont incertaines. Notre espérance est dans le Dieu vivant. Qui est le sauveur de tous les hommes. Principalement des croyants. Et nous sommes ici, Seigneur, pour croire. Pour exprimer notre foi. L'attachement au Dieu vivant. Purge nos cœurs. Purge nos personnes. Change nos commissions, doit Seigneur. Est-ce que ta gloire se manifeste encore? Que ta révélation agisse en nous. Que la puissance du Saint-Esprit soit déversée. À ceux qui en ont tellement soif. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur en guise d'exhortation pour ce soir. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 41 à 42. Nous prenons le verset 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Wana esilaki mokolo na tuku mitano koya bazalaki nyonso elongo na esika moko lokito ebimi na likolo poisa lokola lokito na kopepa na mopepe makasi kitondisi ndako mobimba kuna efandi bango ndemo lokola moto emonani na bango ekabwani efandi moko na moko na moto na moto na moto na bango. Bango nyonso batondaki na Molimo Mosantu mpe babandi kosolola na koto mosusu pele moko Molimo epesi bango maloba. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mpo ete elaka yango ezali mpo na bino, na bana na bino, na bango nyonso bazali mosika, ba oyo nyonso kolo Nzambe na biso akobianga. Adieu, bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cette parole d'exhortation. L'exhortation consiste à nous stimuler, à nous encourager, à nous éveiller l'un l'autre, pour nous souvenir de ce que Dieu a promis et veut faire. Ici, en lisant ces extraits de la parole de Dieu, vous vous rendez compte que nous venons d'un grand thème avant de recevoir les deux grands serviteurs de Dieu qui se sont succédés ici et qui dont l'un conclut encore. C'est le grand thème du baptême du Saint-Esprit. mais qui ne doit jamais être jeté dans l'oubliette. On ne tourne pas la page avec ce genre de thème. Quand on prenait ma prêcher le signe, en anglais on a utilisé le mot token. Non pas sign, mais token, un signe spécial. Le signe pour prêcher le baptême du Saint-Esprit en tant que sceau de Dieu. Il a dit que tous les messages que je vous ai prêchés toute ma vie, c'est pour vous amener à ça. Quelle que soit la prédication que je donne à l'occasion de c'est pour vous amener à être scellé du Saint-Esprit. Alors, le sujet du Saint-Esprit est vital, capital, important, indispensable, inoubliable, incontournable. Il faut y revenir toujours. Souvenez-vous de sa promesse. C'est ma petite exhortation. Souvenez-vous de sa promesse. Et rappelez-lui sa promesse. Et la promesse dont nous parlons aujourd'hui là, c'est le Saint-Esprit. N'oublie pas sa promesse. Souvenez-vous de sa promesse et rappelez-lui sa promesse. Parce que tu ne pourras pas lui rappeler une promesse que tu as toi-même oubliée. Tu ne pourras pas réclamer quelque chose dont tu ne comprends pas la profondeur et l'importance. Mais si le Saint-Esprit est si important pour toi, il est si capital, indispensable, nécessaire à recevoir aussitôt, tout de suite. Alors vous irez devant celui qui les donne avec assurance, sans désemparer, pour réclamer de toutes vos forces que Dieu vous remplisse de son esprit. Aussitôt que tu te rappelles que la promesse est pour vous, comme dit la Bible, la promesse est pour toi, vraiment pour toi, toi frère, pour toi, et toi sœur, pour toi. Tu réalises que la promesse est pour toi. Et de surcroît si elle t'est révélée. Tu en reçois la révélation. Que cette chose sacrée appelée Saint-Esprit, c'est pour moi que Dieu l'a prévu. Ça vous met dans l'état. Personne ne peut vous dire le contraire. Où toute parole de découragement sera aussitôt sans effet. Quand quelqu'un sera de vous dire le temps est passé pour vous de recevoir, vous le verrez comme un fou complet. Il est hors de vos sens. Mais pour vous, la seule chose qui compte, c'est que cette promesse est pour vous. Ça a été révélé dans votre cœur, c'est pour vous. Comme ça a été révélé à Siméon d'autres fois, il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ et le Seigneur. À toi aussi, il te sera révélé. Mais tu ne mourras jamais sans recevoir d'abord le Saint-Esprit. Parce que celui a il a dit que c'est pour toi. Ce n'est pas seulement écrit dans la Bible, mais c'est révélé dans ton cœur. C'est rendu réel dans ta vie. C'est plus évident. C'est palpable. C'est à portée de main. C'est si proche de toi. À l'époque où tu étais né. Le Saint-Esprit t'est révélé. Et tu as l'assurance dans ton cœur. Il est pour toi. Et tu ne quitteras pas cette terre. Quelles que soient les vagues de maladies et de preuves. Quelles que soient les degrés de souffrance et pauvreté. Quelles que soient le genre de misère à affronter. La promesse est pour toi. Et la caisse pour nayo. Et on te demandera pourquoi tu dis que c'est pour toi. Ma photo nayo pour nous remettre ça. La réponse ne sera jamais. Et y en a quoi ça? Parce que c'est écrit que c'est pour moi. Et comment est-ce que ça pour nayo? Non. T'es. Parce que je sais. Pour nayo d'être. L'auteur de la Bible. Colo Biblia. M'a rassuré. Andinisisinda. C'est pour moi. Et sali. L'auteur de la parole écrite. Colo il avait comment mis. Je ne prétends pas connaître sa parole. Elle est vaste, elle est grande, elle est parfaite, elle est infinie. Mais du mieux que je connais l'auteur de la Bible. Dans ta parole infaillible qui demeure éternellement. Il n'a jamais échoué ni ne peut échouer. Qui n'a jamais déçu le vrai croyant convaincu. Qui n'a jamais dérouté un croyant convaincu. C'est l'auteur de cette parole infaillible. Il est vivant pour l'accomplir. Il est vivant pour la confirmer. Je sais qu'il l'a déjà fait. Je vois qu'il le fait encore dans l'église. Je vois qu'il le fait encore dans le monde. Sur la terre où mon pied se tient. Dieu continue à le faire encore. Un jour bientôt c'est mon tour. La promesse est pour moi. Et la carte, ils allaient prendre un. La chose m'est révélée. Les camomos et les familles posaient les pains dans l'aïe. C'est que je la posais. Mais c'est Nazana Yango. Et dans l'Écriture, dans ma commis, et il était écrit dans Luc au chapitre 11. Et comment mis dans Luc à mon capoisomi dans mon. Vous voyez ce que Dieu a dit à ses enfants verset 13. On me dit qu'on est dans les. Donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Na bongo, so kombino batomabe, boebi kopesa, bana nabino, makabo malamu, katana bino, na likolo, akolika kopesa molimo mo santo na bango balombi yete. Ceux qui les lui demandent. Bah, il m'a dit qu'on sait, là, il... Après, quand il vous est révélé qu'il est pour vous. Et que cette révélation que vous avez reçue est conforme à la parole écrite. Dans votre cœur, un son persistant, retentit, que le Saint-Esprit est pour toi. La promesse divine du Saint-Esprit est pour toi. La promesse divine du Saint-Esprit est pour toi. Ça chante et ça carillonne. Ça retentit et ça se refait. Ça vous tient à cœur et se vivifie. Vous allez dans la Bible, vous lisez la même chose. Quand la promesse est pour vous. Donc, votre révélation est conforme à l'Écriture. La chose que le Dieu de votre salut vous a révélée a un fondement inébranlable dans la parole écrite. Et vous savez à peu près de quoi vous parlez. Maintenant, vous demandez cela à celui qui l'a promis. Duquel il est écrit, il y a des choses dans lesquelles il est impossible à Dieu de mentir. Et ces deux choses-là, c'est la promesse et le serment. Quand Dieu promet, il donne jamais une fausse promesse. Quand Dieu jure, c'est incontestable. C'est infaillible. Il y a tel cas. Impossible que Dieu ment. Et ici le Saint-Esprit est une promesse. Il est impossible que ce soit une promesse mensongère, fallacieuse. Impossible. Mais il est une promesse crédible, vérifiable, palpable, évidente, surnaturelle. puissante pour changer votre vie. La promesse là est puissante pour changer votre vie. Et changer le cours de votre comportement. À cause d'elle, vous abandonnerez vos priorités mondaines. À cause de cette promesse, vous dégoûterez vos péchés chéris. À cause de cette promesse, vous vous séparerez des choses que vous n'imaginez jamais vous séparer auparavant. La promesse de Dieu est puissante pour changer votre vie. Quand elle vous est révélée, votre comportement change à cause de ça. Vous vous comporterez de manière à être digne de la recevoir. Et votre prière n'est jamais vaine. Comme on a chanté, ma prière ne sera jamais pour le plaisir de ce monde. Mais je souffrirai avec toi. Laisse-moi marcher avec toi. Que Dieu te bénisse de gloire. La promesse de Dieu est puissante pour changer le cours de votre vie. Les tendances comportementales. La promesse de Dieu. On croit que même Pierre a rendu ce témoignage dans Actes des Apôtres chapitre 5. Verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Comment vous êtes rendu plus apte à obéir? Plus capable d'obéir. Alors que plusieurs se plaignent que cette parole est dure. Beaucoup disent que le message de Dieu est très compliqué. Mais comment cette chose dont on se plaint est devenue facile et simple pour toi? Quand la promesse a été révélée, tu t'es rendu compte que c'est pour toi et tu te disposes à te mettre en condition pour te qualifier. Les choses qui paraissaient difficiles autrefois deviennent du tout faciles à faire. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas permettre à l'un des membres de votre corps de commettre un acte qui va vous disqualifier ou décourager Dieu de vous donner la promesse. La promesse qui couvre. Quand cela vous est révélé, vous allez changer de comportement. Vous adopterez des attitudes. C'est comme Pierre, Paul a donné un exemple ici, dans 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Quand il était promis quelque chose de valeureux, de précieux, de rarissime sur la terre, qui n'est pas donné par n'importe qui, quand tu ne peux pas acheter dans n'importe quel magasin, tu trouves que c'est une perle de grande valeur, et puis au grand prix, et ça demande à Dieu de sacrifier son fils unique pour que la vie Zoé de Dieu parvienne à l'homme. Quand tu réalises ça, parce que c'est ce qui t'est promis, en obéissant à Dieu, mais de quoi seras-tu incapable? Quand tu sais que tu veux avoir la promesse du Saint-Esprit qui équivaut à la vie éternelle, la vie sans fin, tu ne peux pas reporter les choses. Tu ne vas pas te mettre à reporter pour demain. Après demain. Oh, voyons voir, peut-être après. Non, jamais. Vous allez vous empresser à vous qualifier, à recevoir la chose. Et le plus vite possible. Dans le sermon du baume en Galade, prêché le 24 novembre 1959, le Brenham dit ceci, de quoi malabi boy. Du 24 novembre 1959, paragraphe 48 et 49. Maintenant, on va vous amener dans la pièce où nous allons nous rassembler là derrière. Juste un instant. Pour la prière. Retournez directement dans cette pièce ici. Et agenouillez-vous. On va vous rencontrer là derrière juste dans un instant. Nous aimerions que vous vous agenouilliez. Et que vous remerciez Dieu maintenant de vous avoir sauvé. Et c'est beaucoup qu'on a coton dans Zambéte avec Sibino. Oui. À vous autres maintenant. Y a-t-il ici quelqu'un qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit? Voudriez-vous lever la main pour dire je suis chrétien, mais je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. J'aimerais recevoir le Saint-Esprit. Voudriez-vous juste lever la main? Voudriez-vous donc venir ici? Vous avancez ici et aller avec eux? Venez. Offrons un mot de prière ensemble. Laissez-moi vous imposer les mains. Laissez-moi vous imposer les mains. Offrons un mot de prière ensemble. Vous savez, Pierre est allé prêcher. Philippe est allé baptiser les gens en Samarie. Mais ceux-ci n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Pierre est allé leur imposer les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, c'est exactement ce que disent les Écritures. Eh bien, ne voudriez-vous pas venir pour cette consécration? Venir pour le temps que il y a beaucoup de bombes en Galade. Vous le croyez, n'est-ce pas? Très bien. Frayons-nous un chemin maintenant vers la pièce. Afin que nous puissions y entrer et reposer les mains. Priez et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est maintenant même le moment. Ne reportez pas cela à un autre moment. Une heure plus tard, ça pourra être trop tard. Nous ne savons pas exactement jusqu'à quand nous serons en vie. Toi aussi? Toi frère aussi? Est-ce que tu réalises ça? Tu ne sais pas exactement jusqu'à quand seras-tu en vie. Et toi ma soeur? Et toi ma soeur? Aujourd'hui là, il y a un médecin qui a perdu sa femme. Hein? En pleine journée ici. Ah, non. Sa femme est morte. Moi c'est n'importe quoi. Inconsolable. Au moment de l'accouchement, il a convulsé, il a essayé de faire ce qu'on pouvait, et il est mort. Bah, mais qui que ça là, a confié. Donc, elle aussi avait espoir de ramener le bébé à la maison. Il est allé à la maternité pour ramener la joie à la maison un bébé. Mais il est allé pour entrer dans un cercueil. Tu peux aussi sortir de chez toi, ne pas revenir. C'est là où tu étais sorti, vite, directement à la morgue. Mais si tu peux sortir pour la dernière fois de chez toi, sans le savoir. Alors, vous devez avoir le Saint-Esprit immédiatement. Amen. Ne reportez pas cela à un autre moment. Une heure plus tard, ça pourrait être trop tard. Une heure plus tard, ça pourrait être trop tard. Nous ne savons pas exactement jusqu'à quand nous serons en vie. Mais nous savons une seule chose, que si nous avons la vie éternelle, nous ne pouvons pas mourir. C'est la vérité, n'est-ce pas mes frères? Nous ne pouvons pas mourir si nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit que Dieu promet. Souvenez-vous de sa promesse, et rappelez-lui sa promesse, réclamez sa promesse. Il ne peut pas mentir. Il vous la confirmera. Il vous la manifestera. C'est lui qui a foi des amen. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux les choses de notre Dieu. Et je peux lire encore ici dans les sermons questions et réponses sur le Saint-Esprit. Le chef de l'église, et ils allèrent dans cette petite chambre en bas dans le temple pour célébrer la fête de Pentecôte. Oh, c'était des moments merveilleux. On a lu acte 2, la verset 1 à 4. Alors, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous d'une même pensée. D'une même pensée, croyant que Dieu allait envoyer ce qu'il avait promis. Croyant ça. Oh, il ne pouvait pas croire ça comme ça si son air n'était pas révélé. Que c'était pour eux. Quand quelqu'un sait que ça ne concerne pas, il peut s'en foutre et aller faire autre chose. Mais quand quelqu'un sait que ça le concerne, il est prêt à tout sacrifier pour attendre la promesse, pour recevoir la confirmation. Ça lui est révélé que c'est pour lui. Mais eux là, à la Pentecôte, avaient tous la même pensée. On n'a pas appris que Pierre est allé d'abord faire la pêche pendant 2 heures. Ou que Lévi est allé d'abord coudre un peu les chaussures pour avoir un peu les manettes. Ils ont tous sacrifié pour rester dans la chambre haute. Pendant combien de temps, ils ne savaient pas. Dieu n'avait pas donné la durée du temps. Le nombre de jours ou des mois de semaine. Mais ils sont restés là parce qu'ils savaient que c'est pour eux. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils sont morts à eux-mêmes. Ils ont renoncé à leurs droits pour recevoir la promesse. Si vous faites de même et que Dieu ne vous les donne pas, alors Dieu est injuste. Le problème, c'est comment vous vous y prenez. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous d'une même pensée. D'une même pensée. Croyant. Pas faisant semblant de croire, mais croyant que Dieu allait envoyer ce qu'il avait promis. Que chaque personne présente ici ce soir entre dans le même esprit et elle verra ce qui va arriver. Chaque personne présente ici ce soir entre dans la même pensée, dans le même esprit. Et cette personne-là verra ce qui va arriver. Ce qui va arriver, cela doit se répéter. La Pentecôte doit se répéter. Non pas, elle pourrait se répéter. Mais Dieu vous dit, elle doit se répéter. C'est exactement la même promesse que celle qu'ils avaient reçue. Vous voyez, que faisait-il? Il suivait les instructions et se conformait aux lois de Dieu. Que faisait-il là-bas? Il suivait les instructions et il se conformait aux lois de Dieu. Étant dans la même pensée que la promesse était pour eux. Et que Dieu allait envoyer ce qu'il avait promis. Et il ne faisait que suivre les instructions. Il suivait ça. Voilà, suivez les instructions et se conformer aux lois de Dieu. Comme le Seigneur dans l'instruction avait dit, attendez jusqu'à ce que. Oui. Et maintenant, Pierre dit le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses-là. Êtes-vous l'un d'eux? Faites aussi votre partition maintenant. S'il vous plaît, jouez maintenant votre plein rôle. Votre plein rôle. Dans les questions-réponses du 12 janvier 1961, rappelons-nous le paragraphe 277, deuxième partie. Une des directives. Une des directives. Une des instructions. Pour recevoir le Saint-Esprit. Ce qu'il faut faire, c'est de laisser ces gens tranquilles. Il ne faut pas commencer à les bousculer, commencer à dire des choses, parler en langue sans interprétation. Laissez-les lever leurs mains. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre. Vous voyez? Vous voyez? Donc ça, de venir faire autre chose, c'est faux. Laissez ces gens tranquilles. Même quand ils auraient reçu l'imposition de main. Laissez-les tranquilles. On ne va pas organiser des séminaires et des réunions et des réunions. Vous avez reçu l'imposition de main pour le baptême du Saint-Esprit. Gardez vos mains élevées à Dieu. Restez dans l'esprit de prière. Réclamez la promesse chaque jour à tout instant. Consacrez-vous, purifiez-vous. Évitez les distractions, abandonnez le monde. Conformez-vous aux lois de Dieu. Gardez vos mains élevées. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre. Allez-vous le faire? Même vous qui avez reçu l'imposition de main ici. Allez-vous le faire? Même vous qui n'avez pas reçu l'imposition de main. Mais vous croyez au Dieu des gentils. Il leur a donné l'évangile de foi. Et qui fait entrer son esprit même sans imposition de main. Allez-vous élever vos mains à lui? Jusqu'à ce que. Combien de jours, combien de semaines, combien de mois? Pas question, pas d'importance. Vous restez là. Jusqu'à ce que. Souvenez-vous de sa promesse. Rappelez-lui sa promesse. Réclamez sa promesse. Que Dieu te bénisse, toi qui crois. Ici. Awa. Dans 1 Jean. La parole de Dieu est assez évidente. 1 Jean 5. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Molende oyo ezali na biso pona ye, ezali boye te. Soko tokolomba eloko nini kati na mokano na ye, ye akoyoka biso. Mpe soko toyebi yete akoyoka biso wana ekolomba kabiso ye. Toyebi ete tojoui bilombeli yango misili biso kolomba ye. Demandez le Saint-Esprit, est-ce conforme à la volonté de Dieu? Amen. Oui et amen. Car le Seigneur Jésus lui-même a dit que Dieu le donne à ceux qui le lui demandent. La volonté vraiment. Mais quand ça vous est révélé que c'est pour vous, ça vous donne la force et le courage. Vous demanderez même là où tout le monde doute et hésite. Vous oserez là où personne n'essaye d'oser. Parce que ça vous est révélé que c'est pour vous. La promesse est pour vous. Souvenez-vous de sa promesse. Rappelez-lui sa promesse. Réclamez le résultat. Réclamez la chose que Dieu a promis. D'ailleurs, ton bonheur me dit que quand vous demandez à Dieu quelque chose en fonction de ses promesses, c'est là que Dieu devient faible. Vous l'avez en main comme ça. Il ne peut pas vous échapper. Accrochons-nous à cela. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout pour la prière. Debout sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses de Christ, mon roi, où à travers les âges sa louange soit. Je chante, j'adore, je loue, je crois. Debout sur les promesses de Dieu. Des beaux sur les promesses de Dieu, mon sauveur, des beaux. Je me tiens sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses qui me soutiennent, je tiens ferme dans la liberté sereine. Jésus m'en a fait don et elle est bien mienne. Debout sur les promesses de Dieu, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur, debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses de Dieu, dévoile le sang de Jésus-Christ répandu pour moi. Pureté parfaite est donnée à ma foi. Debout sur les promesses de Dieu, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur, debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses de Jésus-Christ, je crois et je vois sa main qui me guérit. Amen. C'est lui qui me baptise du Saint-Esprit. Amen. Debout sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur, debout, Je me tiens sur les promesses de Dieu. Vivo sur les promesses de mon Seigneur. Béni à lui pour toujours avec ferveur. Par l'effet du Saint-Esprit plus que vainqueur. Vivo sur les promesses de Dieu. Debout, c'est les promesses de Dieu, mon sauveur. Debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. Amen. Disons chacun un mot de prière. En accord avec l'exhortation de ce soir. Inonde mon âme de esprit. Inonde mon âme. Seigneur Dieu bien-aimé, Zambé Molingami, nous sanctifions ton nom éternellement, car tu es vérité et vie. Amen. Par toi, il y a le changement. Amen. Et ton surnaturel est une réalité. Amen. Chaque promesse de ta bouche donne vie. Elle est si puissante pour changer le cours des choses dans nos vies. Révèle-la à chacun de tes croyants. Révèle-la à chacun de tes enfants. Révèle-la à mes frères et tes soeurs, Seigneur, pour voir notre vie stimulée, nos habitudes changer, notre manière de prier révolutionner, qu'il y ait de la grâce, c'est l'inspiration, c'est l'onction venant du Logos, le Fils de Dieu, le Logos, loin, l'onction, au Père. Lorsque cette touche surnaturelle approche nos esprits, nos âmes, touche là où t'es en Seigneur, que nous ayons l'impression pacte de cela. De ta présence, du surnaturel, de la puissance là-haut. Comme au jour de la Pentecôte. Que notre langage change. Que nos manifestations changent. Que nos vies changent en profondeur. Et tout pour ta gloire. Exauce nos prières quand nous t'approchons. Au sujet du Saint-Esprit. Écoute-nous, Seigneur. Honore ta promesse. Honore ta parole. Honore ce message. Honore notre foi que tu nous as donnée. Amen. Puisse chacun vivre la merveille de Dieu, les réalités infaillibles du Dieu vivant. Tu n'es pas un Dieu d'histoire. Tu es le Dieu du présent. Le grand Je suis. Omniscient, omniprésent. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu qui voit tout, Dieu qui paie tout. Écoute notre prière. Le monde et la Odyssée font des tractions sur nous. Des influences. Mais ton influence est supérieure. Et la meilleure. Nous la préférons à toute autre influence. Couvre-nous à l'ombre de tes ailes. Et chasse l'ennemi qui rôde dans les ténèbres. Fais de l'espace autour de nous, Seigneur. Nous voulons frayer du chemin jusqu'à ton trône. Et dans le bain, la fontaine d'eau vive. La fontaine du sang rédempteur. Pour le pardon de nos iniquités et nos péchés. Et le réveil spirituel à notre temps. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Et pour la gloire de Dieu qui est béni éternellement. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir pour que Dieu vous bénisse richement. Nzambe apambola bino koleka.